les gens. J'aime le rire, j'aime la vie. J'aime le soleil et la mer. Mais je viens d'un pays d'hiver. Mais je viens d'un pays d'hiver. J'aime le sable, j'aime les dunes, j'aime les îles. J'aime le vent chaud du désert. Mais je viens d'un pays d'hiver. Mais je viens d'un pays d'hiver. Mon pays, c'est une île sans la mer, entourée de prairies et de grands sapins verts. Mon pays, c'est une île sans la mer, qui préfère à l'été vivre de longs hivers, vivre de longs hivers. La Saint-Martin à la Saint-Jean, tu peux le voir vêtu de blanc. La Saint-Martin à la Saint-Jean. J'aime les gens, j'aime le rire, j'aime la vie. J'aime le soleil et la mer. Mais je viens d'un pays d'hiver. Mais je viens d'un pays d'hiver. J'aime le sable, j'aime les dunes, j'aime les îles. J'aime le vent chaud du désert. Mais je viens d'un pays d'hiver. Mais je viens d'un pays d'hiver. Mon pays, c'est une île sans soleil. Au fond de ses ciels gris, les nuages sommeillent. Mon pays, c'est une île sans soleil, qui vient de poignarder de bourrasques et de neige, de bourrasques et de neige. À Pâques de la Saint-Valentin, le printemps s'est montré coquin. À Pâques de la Saint-Valentin. J'aime les gens, j'aime le rire, j'aime la vie. J'aime le soleil et la mer. Mais je viens d'un pays d'hiver. Mais je viens d'un pays d'hiver. J'aime le sable, j'aime les dunes, j'aime les îles. J'aime le vent chaud du désert. Mais je viens d'un pays d'hiver. Mais je viens d'un pays d'hiver. Mon pays, c'est une île sans bateau, où la terre est trop dure au pied des matelots. Mon pays, c'est une île sans bateau, sous ses étangs gelés me murmurent les eaux, me murmurent les eaux. De Saint-Martin à la Saint-Jean, tu entendras chanter les vents. La Saint-Martin à la Saint-Jean.